Chapitre 3e. La chaumière où vivaient Rusticus et sa femme s'éclaira d'un rayon de soleil dès qu'un enfant y fut entré. Dès le lendemain matin, le paysan, réveillé par les cris de la petite fille qui réclamait avec énergie une nourrice, ne put s'empêcher de sourire, et Rustica, qui n'avait pas dormi de la nuit, à l'idée qu'il pourrait peut-être changer d'avis, se rassura tout à fait. Quand il fut parti pour les champs, le visage moins chagrin que d'habitude et un vieux refrain militaire aux lèvres, lui qui n'ouvrait auparavant la bouche que pour grogner, elle embrassa avec passion l'enfant qui ramenait avec elle la paix dans le ménage. Son cœur sautait de joie dans sa grosse poitrine pendant qu'elle déshabillait la petite fille pour lui mettre des langes propres, et comme elle était un peu bavarde, elle causait, elle plaisantait avec elle, elle l'élevait triomphalement sur ses deux mains au-dessus de sa tête, elle la berçait, la câlinait de toutes les façons, restait en extase devant ses petits membres blancs et délicats, puis l'embrassait avec une sorte de fureur, pourtant pleine de précautions, sur sa bouche douce comme le miel et fraîche comme la rose. Comme si elle eût pu la comprendre, elle lui faisait compliment de ses yeux noirs et lui jurait, par toutes les déesses de l'Olympe, qu'elle serait un jour une belle fille, digne pour le moins de fixer les regards d'un patricien de Rome. « Et qui sait ?» disait tout à coup la bonne femme, saisie d'une idée qui lui faisait d'avance mal au cœur, « si tu n'es pas toi-même une patricienne, et si tu ne nous quitteras pas un jour pour retourner dans une belle maison du Palatin ou du Quirinal, pendant que ta pauvre mère adoptive pleurera toutes les larmes de son corps ?»« Enfin, après tout, advienne que pourra. Peut-être ne saurons-nous jamais quels étaient tes parents. »« Mais qu'est-ce que je sens là ?»« Par Castor, voilà qui est curieux, et va sans doute nous renseigner sur ton compte. » C'était l'anneau glissé par Pudentius dans les plis de la laine qui emmaillotait le corps de l'enfant. Rustica le prit, le regarda avec attention et vit qu'il était d'or fin, ce qui était encore un luxe à Rome à cette époque. Alors elle soupira longuement. « Gallus, » dit-elle en lisant non sans peine le nom qui était gravé. « Gallus, c'est sans doute le nom du père, et notre petite fille s'appellerait donc Galla. Allons, je savais bien que ce n'était pas une paysanne. Rien qu'à la voir, la chérie, on devine que ce n'est pas la première venue. Mais que va dire Rusticus? Il est capable de la prendre en grippe, si je lui apprends la vérité. Ma foi, tant pis, je ne lui parlerai pas de l'anneau. » Elle fit comme elle se l'était promis à elle-même. Au crépuscule, Rusticus, qui avait passé sa journée assez loin de l'habitation, revint un peu plus tôt qu'à l'ordinaire, et sa première parole fut pour la petite. « Comment va l'enfant ? » dit-il avant même de mettre la cuillère dans le bol d'épaisse bouillie que sa femme lui préparait tous les soirs. « Bien, très bien, » répondit joyeusement Rustica. « Voilà déjà 2 heures au moins qu'elle dort à point fermé. » Le dur visage du paysan s'éclaira d'un bon sourire que sa femme ne lui avait pas vu depuis les premiers temps de leur mariage. « A-t-elle mangé de bon appétit ? » demanda-t-il. « Si elle a mangé, le petit cœur, mais c'est une dévore tout, Rusticus. Imagine-toi que je ne pouvais pas l'arracher du pis de notre chèvre. Il a fallu me fâcher, sais-tu, et faire les gros yeux. » « Par Hercule, » dit le paysan, « je ne sais si elle m'a jeté un sort, mais je ne fais que penser à elle toute la journée, et j'ai pourtant abattu 2 fois plus d'ouvrage qu'à l'ordinaire. À chaque coup de pioche que je donnais, je me disais, « c'est pour la petite. » Et je frappais comme si j'avais voulu aller jusqu'au fond des enfers. « Ouf, voilà qui est fait. Ta bouillie était délicieuse ce soir, femme. Jamais tu ne l'as si bien réussie. Tiens, par Bacchus, ce n'est pas tous les jours fête. Donne-moi un coup de vin. Je vais boire la santé de notre enfant. À propos, comment l'appellerons-nous, notre colombe adorée ?»« Galla, naturellement, » dit Rustica sans penser mal et sans réfléchir un instant. « Pourquoi Galla, naturellement ?» répondit Rusticus, dont les traits reprirent aussitôt l'expression de défiance qui leur était habituelle. Rustica avait le cœur bon et tendre, mais ce n'était qu'une pauvre paysanne sans finesse, et d'ailleurs habituée à trembler devant son seigneur et maître. Sentant l'orage venir, elle garda le silence. « Parleras-tu à la fin ?» dit le mari. Il n'y avait pas à reculer. Elle prit son courage à 2 mains pour répondre, mais ne se décida pas tout de suite à confesser la vérité. « Je pensais que c'était un joli nom. »« Tu mens, femme, tu mens !» fit Rusticus avec cette dignité sévère et presque majestueuse que les Romains de ce temps-là, même parmi le peuple, mettaient souvent dans leurs paroles. Elle s'assit sur la pierre de l'âtre et se mit à sangloter. « Ne pleure pas et parle !» dit Rusticus. Alors, D'une voix entrecoupée, elle raconta la découverte qu'elle avait faite le matin et pourquoi elle avait voulu la cacher à son mari. « Je reconnais bien maintenant que j'ai eu tort, » dit-elle en finissant et en présentant à Rusticus l'âne d'or qu'elle avait trouvé. « Mais si tu savais comme j'aime déjà cet enfant, c'est toute ma vie, Rusticus, et j'avais tellement peur que tu ne fusses fâchée contre elle de la savoir patricienne. »« Femme, » dit Rusticus d'une voix grave, « que notre petite fille s'appelle Galla ou autrement, je l'aime dès aujourd'hui, autant que tu peux l'aimer, mais je ne te pardonnerai pas facilement d'avoir manqué de confiance envers moi. » Ne sais-tu pas que l'homme et la femme, unis en légitime mariage, ne font qu'un, et qu'il ne peut y avoir pour tous deux, jusqu'à l'instant de leur mort, qu'un seul cœur et qu'une seule pensée? Tu dis vrai, Rusticus, et par ton génie, je te prie de me pardonner. Quant à Galla, continua Rusticus, puisque les siens l'ont abandonnée et que nos mains l'ont recueillie, c'est à nous d'en prendre soin, comme si elle était notre propre fille. Mais si l'on venait nous la réclamer un jour ou l'autre, dit timidement la paysanne. « Vois-tu, je sens que j'en mourrai. »« Les dieux en décideront à leur gré, » répondit Rusticus, « et ce qu'ils auront ordonné sera bien. » Mais le cœur de la pauvre paysanne, incapable de s'élever à une si haute conception du devoir, protestait intérieurement contre les paroles de son mari. Elle prit la lampe d'argile qui éclairait la chaumière, et contemplant, à la lueur fumeuse, la petite fille qui dormait d'un souffle égal, chaudement enveloppée dans son berceau. « Ah ! » dit-elle tout bas en la couvrant d'un regard passionné. « Il y aurait donc des dieux injustes s'ils s'en trouvaient pour t'arracher à mon amour et te rendre aux parents qui t'ont lâchement abandonné. » Personne ne vint réclamer Galla, et au bout de quelques mois, les craintes qu'avait pu concevoir la paysanne s'évanouirent tout à fait. Sur l'ordre de son mari, elle n'avait pas soufflé mot au commère, ses voisines, de l'histoire de l'anneau, et bien que la brave femme eût, en temps ordinaire, assez de peine à tenir sa langue, la peur de Rusticus et l'affection qu'elle portait à la petite fille eurent assez de pouvoir sur elle pour lui apprendre la discrétion. Elle en fut quitte pour prendre sa revanche sur d'autres sujets moins dangereux. D'ailleurs, l'adoption d'un enfant trouvé était chose si naturelle et si fréquente à cette époque que nul ne songea à s'en étonner. Tout au plus, les gens qui aiment à épiloguer, ils s'en trouvaient dans le hameau habité par Rusticus comme ailleurs, trouvèrent-ils qu'il eût mieux fait d'élever un garçon. « Un garçon ?» disait un jour Rustiquet indigné, en entendant ces propos que l'on n'osait guère tenir devant son mari. « Un garçon ? Comment, voisin Grumion, toi qui as la tête aussi blanche que le soracte, peux-tu avoir de pareilles idées dans la cervelle ? Un garçon ? Mais regarde-moi donc ma Galla, viens ici ma chérie, mon adorée, mon petit passereau fidèle, ma tourterelle, viens dire bonjour à ce vilain papa Grumion qui voudrait te voir à milieu d'ici. » « Mais non, par Jupiter, mais non !» dit le père Grumion, affligé de voir ses paroles si mal comprises. C'était un vieux paysan qui s'était si longtemps courbé vers la terre pour la piocher que son corps, à la fin tordu, n'avait pu se redresser. Il venait tous les jours s'asseoir sur un tronc d'arbre près de la chaumière de Rustica, et il s'était fait une amie de la petite Galla, à laquelle ses récits de bataille et ses contes sur la méchanceté d'animal faisaient ouvrir de grands yeux effrayés. « Je t'assure, voisine Rustica, que je n'ai rien dit de semblable. »« Tu l'as dit, » répéta la paysanne, « et je défendrai à Galla de t'embrasser désormais. »« Un garçon, y penses-tu, père Grumion, un garçon ?»« Voyons, voisine Uranie, est-ce que cela a le sens commun ? Tu peux en parler, toi, puisque ton fils est parti il y a 3 mois pour la guerre de Sicile. »« Et je sais ce que je souffre depuis ce temps-là, » dit Uranie, en s'essuyant les yeux avec un pan de sa robe de toile. « Le reverrai-je jamais, mon cher Emilius. Tous deux, vous l'avez vu partir. Il faisait bonne contenance devant les autres, mais moi, je savais qu'il avait la mort dans le cœur. Quand il est sorti de chez nous pour la dernière fois, son pied a heurté le seuil, il a failli tomber. Ah, c'en est fait, je n'embrasserai plus mon enfant. » « Et Grumion voudrait que tu sois un garçon, » dit Rustica en attirant à elle la petite fille, alors âgée de 5 ans, et en la couvrant de baisers. Pour que tu ailles te faire tuer comme les autres par ce chien dévorant d'animal qui mange, dit-on, de la chair humaine. Oh, le méchant papa Grumion, fais-lui les cornes, Galla, c'est un bilin. » Le père Grumion était atterré et il courbait la tête encore plus bas que de coutume. Mais la petite Galla vit qu'il souffrait, et c'était déjà, malgré son âge, une peine intolérable pour son tendre cœur. Elle alla, lui, l'air sérieux, et en se mettant sur la pointe des pieds, elle put poser sa bouche sur la joue ridée du bonhomme. Ce fut ensuite le tour d'Uranie, dont les yeux se séchèrent sur le champ, puis de Rustique. « Cher petit ami, dit le père Grumion ravi, je ne vivrai peut-être pas assez pour te voir grande et heureuse, mais je te bénis pour l'affection que tu montres à un pauvre vieillard tel que moi, et je souhaite seulement que les dieux ne te fassent pas payer trop cher les dons dont ils ont bien voulu te combler. Quant à moi, dit Uranie, je ne regrette qu'une chose, c'est que Emilius ait déjà 18 ans. S'il avait été un peu moins âgé, quel joli couple ils auraient fait tous deux, lui et Gala, mais il ne faut pas y penser. Vois-tu, disait le soir Rustica en rapportant cette conversation à son mari, c'est Uranie qui n'a pas seulement 10 arpents de terre et qui voudrait marier son Emilius à notre Gala. Y a-t-il pourtant des gens dans le monde qui ne doutent de rien? Mais je le connais, son fils. C'est un brutal, un grossier, un propre à rien. Femme, tu vas trop loin, dit Rusticus, dont le solide bon sens arrivait toujours à point pour corriger les écarts d'imagination de Rustica. Je connais Emilius, c'est un bon ouvrier, et je suis sûr qu'il est un bon soldat. Je souhaite que Gala, quand elle sera en âge de se marier, rencontre un mari qui ait ses qualités sans avoir plus de défauts. Ma Gala, épouser un paysan ? S'écria Rustique. Le paysan, malgré sa gravité ordinaire, ne put s'empêcher de sourire. Qui donc, par Jupiter, veux-tu qu'elle épouse ? N'est-elle pas aujourd'hui la fille de Rusticus et de Rustica, c'est-à-dire d'honnêtes gens qui ne sont pas riches et qui gagnent péniblement leur vie en vendant leurs légumes à Rome ? Mais enfin, insista la paysanne, et l'anneau d'or ? Tu me rappelles une de tes fautes, dit sévèrement Rusticus, et tu en commets une autre. Combien de fois ne t'ai-je pas dit qu'il était superflu et même dangereux de parler, fût-ce entre nous, de cette trouvaille ? On peut nous épier, nous entendre. Et bien que nous n'ayons fait aucun mal, qui sait les désagréments que nous attirerait cette affaire? Es-tu donc lasse de posséder Gala, et veux-tu qu'un de ces jours ses vrais parents repentants viennent l'arracher de nos bras? Tu me fais frémir, Rusticus. Sans compter, ajouta le paysan, que je ne me soucie pas de laisser croire la petite fille qu'elle est d'une naissance plus élevée que la nôtre. J'ai peur des pensées qui pourraient pousser dans cette tête d'enfant. Je réponds de Gala, dit avec empressement Rustica. Moi aussi, fit Rusticus. Avec ses allures calmes et son visage sérieux, notre Gala a un cœur d'or. Mais enfin, il est sage de ne pas l'exposer à la tentation. Ainsi, tiens-toi le pour dit encore une fois, et comme disent les Grecs, tâche de te mettre un bœuf sur la langue. Il est vrai que la tienne est si agile qu'il faudrait un éléphant pour te la tenir en repos. À ma prochaine campagne, je tâcherai de te rapporter un de ces animaux. En attendant, allons dormir. » Gala fut donc élevée comme une simple paysanne, et elle grandit dans la chaumière de ses parents adoptifs, sans soupçonner un seul instant qu'elle fût d'une autre extraction que la leur. À l'âge de 5 ans, elle commença, comme ses petites camarades du village, à se rendre utile à la maison. Armée d'un petit balai de bouleau que le papa Rusticus avait fait à sa taille, elle nettoyait avec soin le plancher de terre battue qui formait le sol de la pauvre demeure, ou bien, avec un grand seau de bois blanc que ses deux mains avaient peine à tenir, elle allait traire la vache Fécunda à l'étable. Quand les jours étaient beaux, elle accompagnait Rusticus au champ, et comme il n'aimait pas être dérangé même par elle pendant sa besogne, elle allait s'asseoir sur le bord d'un fossé et restait là, tranquillement, des heures entières, à tresser des couronnes de feuillage ou de fleurs qu'elle rapportait ensuite à sa mère Rustica. Le soir venu, et le dernier coup de bêche donné, le bonhomme revenait avec elle en la tenant par la main, et quel que fût l'endroit où il eût travaillé, il avait toujours bien soin, l'orgueilleux, de passer par le village pour montrer son cher petit trésor aux voisins et voisines assis devant leur porte. C'était alors des arrêts prolongés à chaque maison, des salutations et des compliments sans fin que le paysan écoutait, le visage un peu chagrin suivant son habitude, mais au fond le cœur inondé d'une joie délicieuse. Tout ce petit monde de pauvres travailleurs aimait sincèrement Gala, et les mamans ne se lassaient pas d'embrasser ses joues fermes, brunies par le soleil, pendant que leur gamin gambadait autour d'elle en criant « Salut Gala !»« Comment vas-tu, Gala ?» « Viens, on tombe de Vesta, Gala. Tu verras, nous jouerons à cache-cache et nous nous amuserons bien. »« Viens plutôt avec moi, Gala. J'ai trouvé un nid de pinsons dans le bois. Tu sais bien, près de la vigne, il y a papa, et je t'en ferai cadeau si tu veux venir demain. » Galla recevait les caresses et refusait les invitations avec la sérénité calme qu'il avait dès son plus jeune âge distinguée des autres enfants. Et le lendemain, à l'heure où ses petits camarades s'éparpillaient de tous côtés, elle allait, sans l'ombre même d'un regret, cueillir des légumes pour sa mère ou s'asseoir pour quelques instants chez le vieux père Grumion. Ainsi s'écoulaient ses journées, sans qu'elle parût en éprouver jamais de l'ennui ou de la fatigue, et à mesure qu'elle grandissait, le hameau tout entier ressentait, sans s'en apercevoir, les heureux effets de son influence. Les bêtes elles-mêmes avaient appris à connaître et à subir son ascendant, depuis son chien Borax, qui lui servait en tout temps de licteur, jusqu'aux cervelles obtuses des moutons que rien ne pouvait retenir quand il voyait les plis de sa robe blanche flotter au loin dans la vaste étendue des champs. Sans être plus instruite que les pauvres gens au milieu desquels elle vivait, elle était devenue leur conseillère et leur consolatrice. Les termes grossiers dont ils se servaient avaient glissé sur elle comme l'eau sur une cuirasse polie, et elle avait pris tout ce qu'il y avait de bon dans l'existence des malheureux. L'abnégation, la pitié de la souffrance d'autrui, l'esprit de sacrifice et de charité, en laissant par instinct s'écouler et se perdre les éléments impurs que s'y trouvent trop souvent mêlés. Elle s'asseyait au chevet des malades sans paraître entendre leurs imprécations et sa fraîche main sur leur front fiévreux les guérissait plus sûrement que toutes les recettes de la médecine villageoise. Il y avait d'ailleurs en elle une sorte de contradiction étrange que les paysans sentaient confusément sans pouvoir se l'expliquer. Il semblait qu'il y eût dans cette nature, en apparence si harmonieuse et si calme, deux principes tout à fait contraires. Sa voix, qui résonnait doucement, allait quelquefois jusqu'à l'impatience, jamais jusqu'à la colère. Pourtant, le timbre en était si ferme qu'il paraissait impossible de se soustraire au désir qu'elle exprimait. Son œil noir, comme le fruit du sureau sauvage, était chargé de tendresse et de bonté. Pourtant, il avait de ces regards qui troublent les âmes faibles et les inclinent devant une volonté supérieure. Le même contraste éclatait dans son allure, dans sa démarche, dans tout son être et dans tous ses actes. Sa mise simple et toujours la même prenait sur ses épaules, sans qu'elle y pensât, un air de noblesse inexprimable. Elle battait son linge à la fontaine d'un geste digne et mesuré que personne ne lui avait appris et que les jeunes filles, ses compagnes, avaient vainement essayé de lui emprunter. Si elle s'asseyait au pied de la vache, c'est à la fois avec tant de sérieux et d'aisance que sa mère Rustica, qui aurait voulu lui épargner cette besogne-là comme tant d'autres, en pleurait de plaisir. Les moindres occupations de la vie domestique semblaient à son contact perdre quelque chose de leur vulgarité ordinaire, et les durs garçons du village, qui l'aimaient tous en secret sans oser lui en faire l'aveu, avaient coutume de dire, en la voyant à travers les champs marcher droite et sereine en tête de ses moutons, « Non, ce n'est pas Galla, non, ce n'est pas la fille à Rusticus que nous voyons là, mais bien une déesse qui a pris ses traits pour nous consoler par son exemple de la misère que nous supportons, et pour rendre au peuple romain le goût de la vie des champs où jadis il allait chercher ses consuls et ses dictateurs. » Et les bras balais de ferme qui parlaient ainsi ne se trompaient guère. Galla était bien la déesse qu'il disait, par le calme de ses traits, digne de servir de modèle aux Grecs, par le port majestueux de sa haute taille drapée de blanc, mais c'était une déesse qui s'ignorait et qui ne se lassait pas d'être dehors avec les gens du village, une amie enjouée et toujours prête à rendre service. Chez elle, au coin du foyer domestique, une fille respectueuse et tendre qui, le soir venu, après besogne faite, posait comme autrefois sa tête sur les genoux du papa Rusticus et s'y endormait avec tant de confiance que les heures passaient sans que le brave homme osât faire un mouvement pour réveiller l'enfant gâté.